45e chapitre. Convalescence. Un matin, ouvrant les yeux, je me retrouve entouré de Yatagan et de Pip dans la chambre de Monsieur Honorat. Le souvenir me revient du Piémontais, de la clochette, du coup de fusil, de Galfard. On a pu extraire la balle, mais je suis resté près de 2 semaines délirant entre la vie et la mort. Galfard avait bien fait les choses. Que de braves cœurs s'empressent autour de moi. Gantôme ressent une telle joie d'être reconnu par moi et appelé de son nom. Gantôme, qu'il s'en va pleurer dans un coin. Saladine, maintenant que me voilà hors de danger, médit du médecin et pour me guérir tout à fait, invente chaque jour quelques potions nouvelles, composées d'herbes par ses mains cueillies et inoffensives en tout cas. Monsieur Honorat, sacrifice énorme, s'abstient quelquefois de fumer et pendant des demi-heures, il s'installe à mon chevet, me contant, pour la 50e fois, ses voyages. L'abbé ne m'en veut pas, quoique déçu. Il comptait en effet envoyer au ciel, avec viatique de première classe, mon âme de savant qui devait, là-haut, lui faire honneur. « Que diantre voulez-vous ? » avoue-t-il avec son ingénuité paysanne. « Chacun a son amour propre et des occasions pareilles ne se rencontrent pas souvent au Puget. » Tout le monde s'est mis à m'aimer. Les pires ennemis que m'avait fait la chèvre d'or s'inquiètent de moi et demandent de mes nouvelles au four, chez le barbier, à la fontaine. Et notre rancunière Saladine prend plaisir à les rudoyer. Ce revirement est dû sans doute au caractère chevaleresque de mon attitude à l'endroit de Galfard devant le bon gendarme. Que dis-je ? Galfard lui-même semble me savoir gré de n'être pas mort et de lui éviter ainsi un dérangement toujours désagréable en cour d'assises. Galfard, s'imaginant que l'appétit m'est déjà revenu, a, pas plus tard qu'hier, daigné envoyer à mon intention, par l'intermédiaire de Peuparle, tout le gibier qu'il a tué la veille. Et Norette, et la chèvre d'or. Quant à la chèvre d'or, en qui, plus que jamais je crois, un point me suffit, c'est que la clochette est sauvée. Je la tenais au poing. Peuparle me l'a dit, lorsqu'on me releva, mouillé de sang, dans les cailloux. Mais les façons de mademoiselle Norette ne sont pas sans m'inquiéter un peu. Je revois, à travers certaines éclaircies de mon délire, une Norette inquiète, passionnée, penchant sur moi un front pâle, des yeux attendris. Et maintenant, Norette n'est plus la même. Norette, c'est comme fermée. Elle paraît ne se rappeler rien. Et quelquefois, je me demande si je n'aurais pas rêvé nos soirs d'amour au jardin, sous le regard complice des étoiles, comme j'ai rêvé notre visite à la grotte de la chèvre d'or. Ceci me torture affreusement et m'empêche de savourer, dans leur pénétrante douceur, les joies de la convalescence. Se sentir vivre quand on croyait mourir, les émotions d'un retour. Quoi ? Un ciel si bleu, un si clair soleil, ses fleurs, ses parfums, ses chants d'oiseaux, et pas le sourire de Norette ? J'ai le désir enfantin de ce sourire, plus que le désir, un besoin. Je l'attendais en ouvrant les yeux. Il faisait partie de ma guérison. Norette, hélas, ne me sourira plus. Son regard me l'a dit, regard de mépris et de pitié, hier dans le jardin, car j'y fais parfois quelques pas, soutenu par elle, dans le jardin, près des lauriers dont l'ombre épaisse nous cachait à côté du banc, où si souvent nous nous assîmes. J'avais voulu baiser sa main, lui parler de choses anciennes, mais ce clair regard m'arrêta. Qu'ai-je donc fait qui puisse mériter la haine de Norette ? Rien. Seulement Norette est femme, et je ne sais pourquoi, par simple caprice ou par besoin de torturer, peut-être emploie-t-elle contre moi cette effrayante faculté d'oubli qu'ont les femmes. Heure d'ignorance, dénégations ingénues qui, le lendemain, feraient douter le plus triomphant des Don Juan d'un amour cueilli de la veille. Fin de la 9e partie de La Chèvre d'or de Paul Arène.